On ne pardonnera jamais le crime d'enlèvement. C'est sous ce titre que le journal Rodong Sinmun donne le 14 juin un commentaire qui dit « En Corée du Sud s'élève la voix qui condamne l'enlèvement de nos citoyennes par les agents du centre de renseignement et on s'efforce pour l'éclaircissement de la vérité. » Le 3 dernier, le Rassemblement des avocats pour une société démocratique et le Conseil de l'Église chrétienne ont exigé du centre de renseignement la rencontre avec nos citoyennes détenues. Mais sous un prétexte absurde, le centre de renseignement a refusé la demande de différents milieux sud-coréens. En mai dernier aussi, il a rejeté la demande des formations civiles pour la révélation des nouvelles de nos citoyennes et la rencontre avec elles. L'enlèvement de nos citoyennes est un attentat sans précédent et une provocation politique scélérate contre nous. Le pire, c'est que les autorités sud-coréennes détiennent nos citoyennes enlevées dans le soi-disant centre de protection des déserteurs du Nord sous l'égide du centre de renseignement et exercent la séduction, le chantage et la menace. C'est une tentative ignoble d'inventer une fuite du Nord selon l'intention libre et une ruse pour détourner l'opinion publique et éviter la crise de gouvernement par la campagne anti-nord-coréenne. Nous ne pardonnerons jamais le crime des agents du centre de renseignement. Nous les poursuivrons jusqu'au bout et punirons impitoyablement.